Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou, édition week-end. Bonjour, bienvenue au Palmarès et Fous édition week-end pour la semaine du 18 septembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On vous parvient des studios Tifou à Trois-Rivières. Ils sont beaux, ils sont beaux. Dis-moi, Tania, qu'est-ce que je fais si, mettons, exemple, j'ai envie de savoir ce qui s'en vient dans les quatre prochaines heures? Hein? Ben, Mathieu, je te dis ça tout de suite. En deuxième heure, ça va être la portion mishmash dans laquelle tu vas être tout seul, comme d'habitude. Juste cette deuxième heure-là. Là, ouais, restez là. Je me demande pourquoi. Ouais. Tu vas nous présenter aussi la chronique nostalgique C'était fou et tu diras au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis la semaine passée dans Palmer Rest in Peace. Ouais, ensuite, en troisième heure, j'entends dire que ça va être la portion top 10 avec évidemment les positions 10 à 6. On va aussi survoler le top 3 des albums et le top 10 loud. Et finalement, en quatrième heure, la portion top 5, on saura si Amor Blitz et Daniel Romano tiennent toujours bon au sommet de nos palmarès ou si se sont fait chipper ailleurs. C'est beau ça. Allez, on commence avec la première portion de l'émission et les nouvelles entrées. La rafale des palmarès et fou édition week-end commence tout de suite. Voilà, c'est tout pour l'édition week-end des Palmarès C'est fou. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour une nouvelle semaine avec notre formule quotidienne. Oh oui, en direct du lundi au jeudi de midi à 13h et en version week-end les samedis à partir de midi. Pour Tania Baudin et moi-même Mathieu Plante, bon week-end, à lundi. Bye! Go, go, go, now!